Le lion. Ô lion, malheureuse image des rois chus lamentablement, tu ne nais maintenant qu'en cage, à Hambourg, chez les Allemands.